Chapitre 8. Peu d'Alaviriens ont vraiment exploré les royaumes Raïs. Mais nous savons qu'ils sont dirigés par des rois fous et sanguinaires qui ne pensent qu'à s'entretuer. Si les Tzlich n'avaient pas contraint les guerriers cochons à s'organiser, ils auraient continué à ne représenter qu'une gêne pour nous, et non un danger mortel. Seigneur Sahil Muran, journal de bord. Nous sommes donc d'accord, répéta Edwin. Maniel et Bjorn, vous partez côté sud et parcourez les grandes avenues. Elana et Shyam, vous vous occupez des niveaux supérieurs. Je m'emploie à verrouiller les portes de la cité. Artis attendra là au cas où il reviendrait. Le rêveur hocha la tête. Le soldat et le chevalier se mirent presque au garde à vous, mais le Faël ne broncha pas et la jeune marchombre se contenta de sourire. Edwin les regarda, surpris. Vous n'êtes pas d'accord ? S'étonna-t-il. Tu nous as expliqué que notre rôle était fini, lança Elana. C'est d'ailleurs pour ça que Camille t'a envoyé promener, si je ne m'abuse. Assume seule tes décisions, maintenant ce n'est plus mon problème. Le maître d'armes se contint avec difficulté. Les choses ont changé, admit-il, et j'avoue m'être trompé. Il faut que vous m'aidiez. Les mots avaient été difficiles à prononcer, mais ils n'attendrirent pas la jeune femme. Où as-tu vu jouer, railla-t-elle, que 5 malheureux comme nous pouvaient fouiller Al-Jet ? Nous n'avons pas le choix, nous sommes les seuls capables de les reconnaître. Tu n'es même pas sûr qu'ils soient encore en ville. Des gardes les ont vus franchir la bouche. Où voudrais-tu qu'ils se trouvent ? Il faut essayer, j'ai besoin de votre aide. La petite est la seule à pouvoir éveiller les figés, et elle est en danger. Les Tzlich ont dû repérer son pas sur le côté. Qui sait ce qu'ils vont lui envoyer cette fois ? Shyam vite plissa les yeux. Ce être donc ça, apprécia-t-il. J'avoir compris que la fille est importante, mais pas à ce point. Éveiller les sentinelles de Gwendalavir, rien d'autre. Elle peut le faire, c'est exact, déclara Edwin. Et il y a urgence. Nos armées sont en train de se faire tailler en pièces par les dessinateurs Tzlich et les cohortes Raïs. Artis Valpierre, qui n'avait encore rien dit depuis qu'il avait rejoint le groupe, grimaça. C'est si sérieux que ça ? Edwin les considéra avec gravité. La situation est presque désespérée, annonça-t-il. Tous nos hommes sont au nord et ils affrontent d'énormes difficultés. Ils tiennent le coup, mais cela ne durera pas indéfiniment. Un message de Sahil Muran, le seigneur d'Alvor, est arrivé avant-hier. Il estime que nos armées résisteront un mois, peut-être deux, mais pas davantage. Quand elles céderont, les Raïs ravageront l'Empire en quelques semaines, sans rencontrer la moindre résistance. Al-Jet sera rasé. Gwendalavir et ses habitants ne seront plus qu'un souvenir. Le rêveur pâlit. Il se tourna vers Elana. « Je sais ce que tu penses de moi, » articula-t-il sans bafouiller ni rougir. « Tu trouves que je suis un lâche, un pleutre, un moins que rien. Sache que je préfère être tout cela plutôt que de te ressembler, même un peu. Tu es une femme arrogante et obstinée. Pour ménager ton amour propre, tu cours le risque de sacrifier des millions d'êtres humains. Tu me fais honte. » La jeune femme éclata de rire, mais tous virent que la tirade avait touché sa cible. « C'est bon, lâcha-t-elle. Je vous aiderai à chercher l'aiguille dans la meule de paille, mais je pose 2 conditions préalables. Nous retrouvons les 2 jeunes, pas seulement Camille, et quand ce sera fait, nous étalerons sur la table, en toute égalité, la suite de l'aventure. » Tous se tournèrent vers Edwin. D'accord, finit-il par dire. Je m'engage à ce que ceux qui auront envie de continuer, continuent. À cet instant précis, Camille se matérialisa dans la pièce, juste à côté d'eux. Elle était couverte de sang. En découvrant la présence d'Artis, son regard s'illumina. Avant que quiconque ait pu prononcer un mot ou esquisser le moindre geste, elle se précipita vers le rêveur et le saisit par le bras. Une fraction de seconde plus tard, ils avaient disparu.